Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes. Merci à FPP de nous accueillir toujours, bien entendu. Donc, on est tous les troisièmes lundis du mois, donc de 19h à 20h30 en direct. On est retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30 le matin. Donc, nous, c'est le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Notre programme, notre idée, autant du comité que de ce programme, c'est de faire des ponts entre les luttes et donc de donner des espaces de parole dans ce programme. Et puis nous, notre comité, on se réunit le 1er, 3e et 5e mercredi du mois dans les locaux de la CNT à 20h30. Donc c'est une assemblée ouverte où on peut justement venir partager des luttes qu'on essaye de justement faire connaître de l'autre côté au Mexique et le Mexique, de partager avec vous les luttes au Mexique essentiellement, mais pas seulement. Vous avez eu l'occasion d'entendre parler des luttes d'un peu partout. Et donc là, aujourd'hui précisément, on va quand même être pas mal au Mexique, effectivement, dans l'isthme de Tehuantepec. On aura une interview, je laisserai les camarades du CSIA qui ont fait cette interview présenter justement donc Rosa Marina Cruz et donc son intervention. Et nous aurons ensuite le cas du camarade Vincenzo avec le comité de soutien à Vincenzo. Là, il y a une dernière ligne droite, il y a urgence, il faut se mobiliser. Il va nous raconter d'Arnaud donc, ce que c'est cette histoire. Et également ce qu'on peut faire pour lui et essayer d'être solidaire et conséquent, puisque comme partout, la justice n'est pas là. Les mesures répressives, oppressives, etc. Sont partout. Et donc on verra ça aussi avec le cas de Ayotzinapa, puisque c'est l'anniversaire de la disparition des étudiants, des 43 étudiants d'Ayotzinapa au Mexique. On en a régulièrement parlé, donc justement il y aura l'occasion de se retrouver. Donc notez dans vos tablettes si jamais vous restez pas avec nous jusqu'à la fin, justement le samedi 24 septembre 2022 à l'île Saint-Denis, 64 avenue Jean Jaurès. Il y a à partir de 17h discussion avec ensuite repas et concert. Donc ce sera l'occasion de pouvoir parler d'Ayotzinapa, mais on y reviendra dans l'émission. Mais donc je voulais déjà vous donner cette info au cas où vous ne restez pas avec nous. N'oubliez pas. Ensuite, on parlera encore de l'isthme de Tehuantepec, puisque à cette occasion, Mario sera justement là le 24 septembre avec nous, qui vient de l'isthme de Tehuantepec. Et donc, on va pouvoir justement partager ça avec vous aussi. Et on parlera également du cas de Miguel au Mexique, un compas dont on vous a parlé à plusieurs reprises. Et donc, tout ça en lien avec la résistance menée par les peuples partout contre ces projets, contre le système capitaliste, patriarcal, etc., etc. On connaît la chanson, on lâche rien. Et donc, on va faire une petite pause musicale avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet avec Aurélie et Sylvain qui, je crois, nous présenteront l'interview qu'ils ont fait. Merci. Mi brazo derecho en buen quedo, señores. maiten, si yo saludan en peleque. Mi luz en perquilao, que recoge unos pececillos. Se me enreda en San Rosendo, y al cruzar una esquina, el otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta del Chacao. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma de Bacuacero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. FPP, la jungle des luttes, on est ensemble jusqu'à 20h30 et en direct. Merci les filles pour la technique. Et coucou, c'est Aurélie qui est là, Sylvain aussi peut-être, ou coucou. Oui, c'est moi, c'est Aurélie. Salut, merci d'être avec nous. Et on va te laisser présenter l'entretien que vous avez fait avec Rosa Marina. Il y a peu de temps, c'était cet été, il me semble, hein. Je te laisse nous présenter, merci. Ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci au CSPCL de nous permettre de diffuser ce petit entretien donc, effectivement, qu'on a fait avec Rosa Marina Flores Cruz, donc de l'Assemblée des peuples indigènes de l'ISTME en défense de la terre et du territoire, donc l'ISTME de Tehuantepec dont vous avez parlé en introduction. Et donc effectivement, cet entretien il a été fait... en juillet dernier, tout début du mois, au cours du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, donc qui avait lieu aux Nations Unies à Genève, et on a eu la chance de pouvoir rencontrer Rosa Marina, de pouvoir l'écouter aussi lors d'un panel assez important qui avait eu lieu sur l'impact des projets extractivistes sur les femmes autochtones, donc auquel elle a participé dans le cadre de ce mécanisme d'experts à côté d'autres camarades délégués autochtones en lutte. L'entretien qu'on a fait, on l'a fait sur place là-bas, on a essayé de balayer assez large et on a posé trois questions à Rosa Marina qui concerne notamment l'impact des projets extractivistes sur son peuple, la situation dans l'isthme. On a également parlé donc évidemment d'EDF sur ce projet de parc éolien et de aussi comment finalement construire un réseau de solidarité international toutes et tous ensemble et créer des passerelles entre les luttes comme tu l'as mentionné aussi Vicky tout à l'heure. Voilà. Ben super, merci. On écoute cet entretien. Merci à vous et on continue à être ensemble. On y va. Bonjour Rosa Marina. Nous aimerions te demander quelle est la situation actuelle au Mexique pour les peuples indigènes. en particulier par rapport au méga-projet extractiviste, la situation dans l'Istmo-Tehuantepec ou le train de Maya. La situation est assez délicate en ce moment, car nous sommes dans un moment où nous avons un gouvernement qui prétend être progressiste, qui prétend être avec le peuple et être populaire. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il est en fait lié à des intérêts privés, à des intérêts capitalistes, et il cherche à perpétuer l'extractivisme, mais en utilisant l'argent, en distribuant des biens à la population et en obtenant ainsi le soutien populaire, et donc en légitimer ainsi toutes les pratiques violentes qu'elle exerce sur les territoires des peuples indigènes et de la population en général. Au Mexique aujourd'hui, nous vivons actuellement une militarisation cachée et le gouvernement fédéral actuel confie les travaux de construction de ses principaux mégaprojets au secrétaire de la défense nationale, c'est-à-dire à l'armée et à la garde nationale, qui est une figure créée par ce gouvernement, censée être une figure civile pour sauver et protéger la population, mais qui est maintenant complètement contrôlée par l'armée. Cela soutient les cartels dans tous les endroits géopolitiquement importants pour le gouvernement fédéral actuel, et cela nous inquiète beaucoup en tant que mouvements sociaux, en tant que mouvements indigènes, parce que l'armée est toujours impliquée dans de graves cas de disparition forcée, comme cela est arrivé à nos frères et sœurs d'Ayotzinapa en 2014, et il y a beaucoup d'autres cas, plusieurs milliers de personnes disparues au Mexique, qui sont liés aux actions de l'armée. Ils construisent des cartels dans nos territoires et ils parient sur l'installation de mégaprojets industriels qui visent à changer le mode de vie de tous nos peuples. Nous sommes dans une situation d'alerte qui est aussi difficile parce qu'à l'intérieur, le gouvernement accepte de donner de l'argent. Donc, ceux qui nous interrogent ou ceux qui nous accusent maintenant d'être les méchants sont les mêmes personnes. Ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos cousins qui reçoivent l'argent et qui disent, bon, s'ils me donnent de l'argent, alors c'est qu'ils ne doivent pas être si mauvais. Les mauvais gagnent toujours de l'argent. C'est très délicat et c'est quelque chose que nous constatons, que nous voyons. C'est aussi très lié à l'expérience d'autres pays d'Amérique latine avec des gouvernements de ce type. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Peux-tu nous présenter la résistance dans la région de Tehuantepec sur les cas des projets de parcs éoliens et aussi parler de ton sentiment sur ce qui s'est passé avec la société française EDF? Dans l'ISME, depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, en même temps qu'il y a eu une grande croissance dans le développement industriel de la production d'énergie éolienne, il y a également eu une forte résistance communautaire et organisationnelle à ces projets en différents endroits, sur différents fronts. Et cela a impliqué diverses organisations, à la fois locales et de plus grandes organisations qui sont nationales. Ainsi, de la même manière que les parcs éoliens sont construits à Seille depuis de nombreuses années, avec des investissements privés, en particulier européens, à 60% espagnol, mais aussi italien et français. Pour la consommation d'autres entreprises privées liées au même projet extractiviste qui ont généré la crise climatique à laquelle ces projets d'énergie renouvelable sont censés faire face. C'est un cycle, c'est un cercle vicieux qu'ils ont créé, pour ainsi dire. Nous avons fait une erreur, nous allons la réparer, faire la même chose que ce que nous avons fait parce que nous avons fait une erreur. Et avec EDF, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs organisations qui résistent à l'installation de ce projet, qui est l'un des projets en cours sur le territoire, mais qui a reçu la plupart des autorisations pour être installé. Plusieurs organisations ont déposé des amparos auprès de différents mécanismes, certains mécanismes nationaux liés à la défense des droits collectifs, aux droits pour la terre, mais à qui appartient la Tierra Pireto? La terre appartient à la communauté indigène. Il y a d'autres organisations qui ont choisi d'intervenir plus au niveau international et qui ont déposé directement une injonction à la France, ou d'autres ont choisi aussi d'intervenir à travers des institutions en s'adressant à la Commission fédérale de l'électricité, en s'adressant à d'autres organisations pour leur demander d'arrêter le projet, d'arrêter de le construire et en demandant que la consultation qu'ils essayaient de faire soit arrêtée parce qu'ils voulaient la faire pendant le Covid. Ces deux stratégies ont plutôt bien fonctionné de cette manière. D'autre part, la Commission fédérale de l'électricité a annulé le permis que EDF avait pour ce parc éolien pour la production d'électricité. Alors, que se passe-t-il? EDF a obtenu d'autres permis. Ils ont le permis de la Commission régulière de l'énergie, qui est la plus grande institution, parce que EDF est une entreprise. Donc l'institution officielle est la CRE. Ils ont toujours le permis. Et aussi dans le procès agraire sur les terres, EDF n'a pas fait un pas en arrière. Au contraire, elle a déclaré qu'elle poursuivrait son action en justice et présenterait des preuves pour affirmer que les terres de la communauté de Juchitán ne sont pas réelles, que les terres qu'elle a contractées sont privées et qu'elle n'a pas à respecter les procédures requises par rapport à la communauté indigène. EDF poursuit donc ses intentions de réaliser le projet. Pour nous, c'est à total. EDF est déterminé à continuer avec ce projet. Maintenant, c'est plus difficile pour les entreprises de s'installer parce que le gouvernement mexicain actuel met davantage l'accent sur les énergies fossiles. Le moment où le gouvernement fédéral et les entreprises d'énergie renouvelable étaient plus liées a été un peu bouleversé. C'est pour ça que ceux qui ont des permis les gardent, parce que la nouvelle législation mexicaine ne s'applique pas à eux. Ils peuvent maintenir les conditions qu'ils avaient avant le changement de gouvernement. Et c'est ça la situation actuelle avec EDF. C'est pourquoi nous ne baissons pas la garde. C'est pourquoi nous continuons à être accompagnés par des collègues avocats et nous reconnaissons aussi le travail que d'autres organisations ont fait parce que c'est une lutte commune pour défendre un territoire que nous partageons avec différentes communautés. La situation des femmes indigènes au Mexique est liée à tout cela. En tant que femmes, nous faisons partie de la communauté et lorsque la communauté est touchée, nous le sommes aussi. En outre, nous comprenons que tous ces projets font partie d'un système, qui est patriarcal. Nous affrontons le patriarcat de l'État, le patriarcat des entreprises privées et le même patriarcat qui se trouve au sein de nos communautés. C'est un véhicule pour le colonialisme. Donc il y a beaucoup de lieux de bataille où nous devons rester. Les femmes sont celles qui dirigent, qui sont la présence, qui sont en première ligne du champ de bataille et de la défense du territoire, non seulement dans l'isthme, mais dans tout le Mexique. Parce que dans les campagnes, défendre le territoire, c'est défendre la nourriture. L'alimentation est une garantie de la croissance des enfants, de la vie communautaire, de la vie collective, et c'est récupérer la médecine traditionnelle, c'est transmettre la langue. Il y a beaucoup d'éléments qui dépendent directement des femmes indigènes, et nous, les femmes indigènes, nous nous trouvons dans une situation de risque terrible parce que le niveau de violence contre les femmes dans le pays augmente dans des proportions énormes. Aujourd'hui, même au Mexique, une jeune fille de 14 ans a été assassinée par son partenaire et cette situation se produit tous les jours. Elle se produit pour les femmes qui s'organisent pour défendre leur territoire et pour les femmes qui ne le font pas parce que le patriarcat est sur tous les fronts où que nous vivions. Il s'agit donc d'une situation délicate, d'une situation critique, et il est très dangereux que les institutions continuent à tenir un discours disant que tout va bien, que nous ne sommes plus confrontés à ce genre de choses et que les niveaux de violence ont diminué. Ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai. La région de l'Istme dans l'état de Oaxaca est actuellement la deuxième région la plus touchée par les féminicides. C'est donc une situation très grave pour nous. Quelle est la situation spécifique des femmes indigènes et comment pouvons-nous encourager la construction d'un véritable réseau de solidarité? La solidarité a toujours été un élément crucial. Je pense que certaines personnes ont reçu de nombreuses leçons. Nous en avons reçu de l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN, mais l'une d'entre elles est précisément comment activer cette solidarité, comment les liens internationaux sont fondamentaux dans le processus de lutte, parce que, eh bien, nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Et il est également important que les personnes qui vivent dans un territoire sachent que c'est un territoire colonial, sachent que c'est un territoire qui gère des domaines, qui gère des ressources, qu'elles soient vigilantes sur ce qu'il se passe dans leur propre territoire par rapport à ces domaines, par rapport aux intérêts politiques qui façonnent leur espace. La conjoncture leur est favorable et nous sommes préoccupés par celle-ci. Ainsi, le travail des liens internationaux est fondamental pour être ces ponts, ces connexions entre ce qui se passe dans un territoire politique local et ce qui se passe au niveau international. C'est très compliqué parce que pour faire un travail de liaison internationale, il faut toujours beaucoup de fonds et les communautés, pas seulement les communautés indigènes. Je suis presque sûre que les organisations ouvrières, de travailleurs, les organisations féministes de cette Europe qui est aussi très violée, c'est difficile pour elles, c'est difficile pour elles et donc pour pouvoir activer des actions de solidarité, cela constitue un grand effort. Mais ces actions ont beaucoup de sens et elles ont beaucoup de valeur par rapport à ce qu'il se passe dans nos territoires et le fait de pouvoir manifester et interpeller directement les entreprises, les gouvernements qui savent qu'ils violent les peuples indigènes au Mexique partout. Cela a beaucoup de valeur et c'est une expression claire de solidarité et de fraternité. Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien et cette traduction. C'était très intéressant de l'entendre et on voit que tout est entremêlé, la lutte des peuples, la lutte des femmes, c'est un même système qui écrase les plus faibles, et enfin les plus faibles, ceux qu'on a désignés les plus faibles, et donc organisons-nous, continuons avec une petite pause musicale. Merci, à tout de suite. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En 6.3 FPP, c'est toujours la jungle des luttes jusqu'à 20h30 en direct. On est maintenant avec Arnaud qui nous parle du camarade Vincenzo pour qui il faut se mobiliser là aujourd'hui maintenant, et on en profite pour le saluer et tous les camarades qui le soutiennent. Oui. Merci à toi d'être avec nous. Avec plaisir. Vincenzo Vecchi, c'est un ressortissant italien qui vit en France depuis 11 ans. En Bretagne, qui s'est fait arrêter il y a 3 ans en pleine campagne. Il travaillait chez une copine en plein mois d'août, hein, le 8 août 2019. Et c'est là qu'on a appris qu'il encourait 12 ans et demi de prison en Italie. Alors, on était très surpris puisqu'on le connaissait depuis 8 ans. Et on a appris qu'en fait, c'était parce qu'il avait manifesté en 2001, donc 18 ans plus tôt, en juillet 2001, à Gênes, avec 300 000 autres personnes, contre le G8 qui avait lieu cette année-là, en présence de la Russie notamment, et où 300 000 personnes s'étaient rassemblées de toute l'Europe et d'ailleurs même, pour dire qu'un autre monde était possible. Et donc, quelques mois après, l'Italie a décidé de faire des exemples et donc a pourchassé quelques individus qu'elle a sélectionnés. Et on a appris comme ça que, en fait, Vincenzo Vecchi, avait été condamné effectivement à 12 ans et demi de prison, sans aucune preuve, en vertu d'une loi mussolinienne qui date de 1930, le code Rocco, qui s'appelle « Dévastation et pillage », qui visait à défendre l'État fasciste en cas de rébellion, d'émeute, de subversion, et qui est utilisé en l'occurrence, en fait, pour mater les manifestants, faire taire toute manifestation et toute contestation. C'est ça le but. C'est très clair. C'est d'autant plus clair qu'on a appris qu'en plus, il y avait 2 mandats d'arrêt européens en 2019 qui pendaient sur Vincenzo depuis 2012, en fait. Et l'un de ces mandats visait une autre manifestation en 2006 à Milan Pareil pour dévastation et pillage. C'était une manifestation antifasciste. La manifestation fasciste avait été autorisée en Italie, mais la manifestation antifasciste n'avait pas été autorisée. Pour cette manifestation-là, Vincenzo a fait plus d'un an de prison en Italie. Eh bien, alors que la peine était purgée, la justice italienne a produit un faux pour charger la barque de Vincenzo. C'est comme ça qu'elle a expliqué quand on a appris le poteau rose. C'est comme ça que la justice italienne s'est expliquée auprès de la justice française pour dire « Regardez à quel point cet homme est peu fiable ». Il a aussi manifesté et a été condamné pour dévastation et pillage une autre fois en 2006. J'insiste là-dessus parce que Vincenzo fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et cette procédure repose sur la confiance entre les justices des différents États de l'Union européenne. Or là, manifestement, l'Italie elle-même a reconnu qu'elle avait produit un faux. Et c'était, en apparence, le mandat d'arrêt européen le plus inattaquable. Les avocats, au départ, nous avaient dit « Oh non, ça, c'est pas possible. » Et alors, ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'en Italie, on peut être condamné pour avoir manifesté, pour avoir été présent dans une manifestation où il y a eu des destructions. Ce n'est pas la peine d'avoir commis quelque acte que ce soit. Le fait d'être présent veut dire qu'on est complice. C'est la notion qu'on appelle là-bas le concours moral. Donc il n'y a plus aucune responsabilité individuelle. On peut être condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait, que quelqu'un d'autre a commis. Alors évidemment, la justice française a essayé d'en savoir un peu plus et à force d'exiger des éléments de preuve, la police italienne a fourni des centaines de photos où on voit Vincenzo dans les manifestations. Il y en a une notamment où devant une boutique, une supérette qui a été dévalisée, on le voit boire un soda. Ça, c'est une preuve manifeste de vol. J'insiste là-dessus. Parce qu'il se trouve qu'après de nombreux appels, il y a deux cours françaises qui ont décidé, pour des motifs différents, de libérer Vincenzo en disant « on ne peut pas appliquer ces mandats d'arrêt européens ». La cour de Rennes en 2019 et la cour d'Angers en 2020. À chaque fois, le gouvernement français, le parquet, a fait appel de cette décision et donc s'est pourvu en cassation. Donc pour remettre en cause ces jugements de tribunaux français qui libéraient définitivement Vincenzo. Et la dernière fois, la Cour de cassation n'a pas voulu se prononcer. Elle aurait pu, elle aussi, dire, comme la première fois où elle ne l'avait pas plus fait, « Libérons Vincenzo ». Non, elle a décidé de faire appel, d'être éclairée par la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, quelle n'a pas été notre surprise, c'était donc l'audience a eu lieu en janvier dernier, mais c'est le 14 juillet que la Cour européenne a donné son avis. Elle a dit « Ah, mais il faut remettre Vincenzo Vecchi aux autorités italiennes. En effet, il y a une partie des délits qui lui sont reprochés, qui sont des délits aussi en France. Donc, il faut le remettre. Notamment, il y a ce délit de vol, où la seule preuve qu'il y a, par exemple, c'est ce soda, cette canette de soda qu'il est en train de boire devant une supérette qui a été dévalisée. » Ce sont des preuves, donc ce sont des instructions à charge. Il n'y a que des éléments fournis par la police. Il n'y a aucun témoignage d'autres personnes, aucun autre élément. À l'époque, alors ça, la Cour européenne ni les cours françaises n'ont à se prononcer là-dessus, mais à l'époque, la défense avait demandé aux forces de police, mais voyons donc les vidéos de surveillance de cette supérette pour savoir si notre client a bien fait quelque chose. Ah non, nous ne pouvons pas les divulguer pour des raisons de sécurité. voyez la force de l'argument. Et donc, c'est sur ce montage que Vincenzo Vecchi est menacé très grandement d'être remis aux autorités italiennes pour faire 12 ans et demi de prison en Italie. Tout ça pour l'unique raison, parce qu'il a manifesté. Le seul but, c'est évidemment d'intimider les manifestants, et c'est le but recherché en France aussi. Quand il a été arrêté le 8 août 2019 en Bretagne, c'était 3 semaines avant le G7 de Biarritz. Et c'était quand Salvini préparait, lui, sa campagne électorale pensant devenir président du Conseil. Donc la France de Salvini et la France de Macron s'entendaient parfaitement pour arrêter ce symbole de manifestant, de contestation, en pleine campagne, pendant l'été, et pour montrer aux gens qu'il fallait faire attention et peut-être pas trop manifester son désaccord si on avait des choses à dire. Et alors maintenant, ce qui nous consterne, c'est que c'est en quelque sorte gravé dans le marbre par l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il demande à ce que, jusque-là, il y avait une protection. Le mandat d'arrêt européen s'était fait que pour les crimes très graves, terrorisme, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Et puis pour tout le reste, on parle d'exception, mais le terme ne me convient pas parce que c'était pour tout le reste. Il y avait des garde-fous très sérieux qui étaient notamment la proportionnalité des peines. Et il fallait que dans les deux pays, celui qui demandait et celui qui devait remettre la personne incriminée, il y ait le même délit. Ce que veut dire l'avis de la Cour européenne de justice de l'Union européenne du 14 juillet dernier, c'est qu'il ne faut pas examiner plus loin les affaires. C'est juste une procédure administrative. Du moment qu'il y a une partie du délit qui correspond, là, ce serait le vol. On ne voit pas si le procès a été équitable, puisqu'on fait confiance aux différentes justices de l'Union européenne et qu'on sait bien que l'état de droit est appliqué partout. Il n'y a rien de plus à voir. Et donc, il faut appliquer automatiquement les mandats d'arrêt européens. Ce qui veut dire qu'une femme polonaise qui avorte aujourd'hui et qui trouve refuge en France, qui peut être donc poursuivie pour de la prison par la Pologne pour avoir avorté et pour avoir porté atteinte à l'intégrité d'une personne et avoir nuit à autrui, l'enfant qui n'est pas né par exemple, eh bien, la France doit le remettre, devrait le remettre à la Pologne. De même que là, on demande à la France, on exige de la France qu'elle remette à l'Italie quelqu'un condamné en vertu d'une loi fasciste que personne ne connaissait en plus. Donc il y a la notion du principe de l'égalité, c'est que la loi doit être connue. Elle n'avait pas été appliquée, elle a été ressortie pour ce G8 de 2001. En Italie, et pour pouvoir condamner les gens sur ce motif-là. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit d'asile non plus à l'intérieur de l'Europe, et que toutes les lois fascistes, autoritaires, le jour où la France dérive un peu plus vers le fascisme, on ne pourra pas trouver refuge en Belgique ou en Allemagne, et vice-versa dans les autres pays. On pense évidemment à la Pologne et à la Hongrie. Enfin, on voit bien que l'extrême droite monte de partout et puis que les droits des gens sont atteints partout, par les lois terroristes, par des tas d'évolutions juridiques notamment. Donc un arsenal policier qui avait été mis en place à Gênes, en Italie, avec des fabrications de preuves, ça a été prouvé. Hein. L'Italie a été condamnée pour des actes de torture. Ils avaient placé des cocktails Molotov dans des endroits où résidaient les manifestants comme preuve pour les inculper par la suite. En France, on a le même procédé d'intimidation avec les fameux flashballs, les mains arrachées et les gens éborgnés. Évidemment, ça impressionne et forcément que chacun se demande « est-ce que je vais aller manifester ?» Cet arsenal policier-là est doublé maintenant d'un arsenal juridique qui se met en place à l'échelle européenne où toutes les lois les plus réactionnaires entrent dans l'espace juridique européen, du coup. Et donc, petit à petit, il serait pas étonnant que, comme les lois antiterroristes qui pénètrent le droit courant, eh bien, ces lois italiennes ou polonaises ou autres, ou suédoises bientôt, ben, à force de les faire appliquer, de collaborer entre justice, on va les appliquer en France. Et là, en tout cas, ce qui se passe, c'est que la France, la Cour de cassation, le 11 octobre prochain, risque de, parce que c'est ce que lui demande de faire très nettement et sans discussion la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation française doit décider de remettre Vincenzo Vecchi aux autorités italiennes pour qu'il fasse 12 ans et demi de prison. Alors là, effectivement, comme tu le disais, c'est le dernier moment où manifester. Vous avez votre rendez-vous samedi soir 24 à l'île Saint-Denis, certes. Nous, on a un grand rendez-vous avec des politiques, avec des artistes et avec tout plein de gens de Bretagne, des pays de la Loire et d'ailleurs de Belgique, de Toulouse, de Paris. C'est le samedi, donc 24 septembre à midi, à la place du Miroir d'eau. C'est face au château de Nantes, à Nantes. C'est pas loin de la gare. Donc les gens peuvent venir. À midi, il y a un pique-nique qui est suivi de prises de parole. On rameute le maximum de gens pour qu'il y ait un maximum de gens possible. Ça, c'est très important. Tous ceux qui peuvent aller à Nantes, se trouver à Nantes à samedi midi, le 24 septembre, soyez présents. Il faut faire nombre. Ce sont vos libertés individuelles qui sont menacées. C'est le droit à une défense. C'est le droit à des procès équitables. C'est tout ça qui est bafoué dans toute cette affaire. Et si jamais, plus on laisse cette mentalité pénétrer nos institutions, plus cela deviendra monnaie courante. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Manifestez-vous. Il y a une pétition en ligne. Je vous invite, pour plus d'informations, à aller sur le site du comité de soutien à Vincenzo. C'est comité-soutien-vincenzo, V-I-N-C-E-N-Z-O, pas d'accent, hein, .org. Vous allez là-dessus. Si vous tapez Vincenzo Vecchi, vous trouverez aussi. Il y a une pétition en ligne, signez-la. Rendez-vous le samedi 24 midi à Nantes, place du Miroir d'eau, face au château, tout près de la gare. Un autre rendez-vous, il y aura à l'Assemblée nationale une conférence de presse faite par des politiques. Il y aura des députés, des sénateurs, peut-être des députés européens. Mais en tout cas, le maximum de politiques, tous les politiques qui entendent cette émission sont invités. Et je vous invite à solliciter vos maires et vos députés pour qu'ils s'insurgent contre ce qui est en train de se produire. Et en tout cas, il y aura une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 5 octobre à 14h. Et puis, dans l'attente de ce jugement de la Cour de cassation, l'audience aura lieu le 11 octobre, le matin, je crois que c'est à 9h ou 9h30, je ne sais plus. Mais voilà, il y a urgence, donc manifestez-vous. C'est pour Vincenzo Vecchi. Alors, j'en parle avec passion parce que c'est un ami à moi, mais c'est clairement les droits de tout le monde, de ceux qui sont en studio là avec moi et de vous qui écoutez la radio. Ce sont vos droits qui sont menacés. C'est la liberté de penser, c'est la liberté de s'exprimer. Il est évident que quand on ne pourra plus manifester, les droits sociaux aussi entreront dans la danse. On ne pourra plus s'opposer. C'est trop facile de pouvoir accuser quelqu'un sans preuve pour des actes qu'il n'a pas commis, que d'autres ont commis. C'est facile, en plus, comme des policiers qui déposent des cocktails Molotov, c'est facile de commander la destruction d'un abribus et après ça de dire « il y a insurrection ». Donc voilà, la situation est dangereuse parce que les principes mêmes, la base du droit démocratique sur lequel nos sociétés sont officiellement construites, qui ont pourtant déjà beaucoup à redire, elles sont attaquées directement. La présomption d'innocence est attaquée. La responsabilité individuelle est attaquée. Le fait de devoir être condamné sur des preuves, tout ça disparaît. La proportionnalité de la peine par rapport aux actes reprochés, ça c'est un droit, c'est dans la charte, c'est l'article 49, je crois, j'ai noté, de la charte européenne des droits de l'homme. Eh bien, tout ça disparaît. il faut appliquer les jugements d'un autre pays et donc rendre la justice de son propre pays, là en l'occurrence, complice d'une loi fasciste. J'espère que ça vous révolte et j'espère surtout que vous allez faire tout ce que vous pouvez, que, en vous rendant sur le site du comité, mais aussi en sollicitant les gens autour de vous et notamment les politiques, puisqu'on sent bien que c'est une question politique. C'est-à-dire que, à chaque fois, en tout cas, c'est le gouvernement français qui a décidé de faire appel de décisions de deux cours de justice françaises. Il a dit non, ça ne va pas, il faut voir ça. Alors, la première fois, bon, il y a différentes justifications, mais qui sont toutes plus mauvaises les unes que les autres. Et vraiment, le coup de massue final a été asséné par la Cour de justice de l'Union européenne, qui parle de confiance. On reconnaît que les autres États sont des États de droit, donc il n'y a plus rien à dire. Eh bien non, en l'occurrence, donc Vincenzo, on a prouvé que l'un des mandats d'arrêt européen, celui concernant la manifestation de Milan, était un faux produit par l'Italie, il aurait dû être remis aux autorités italiennes en vertu de ce faux. Même ça, ça n'a pas ému la Cour de justice de l'Union européenne. L'article 49 de la Charte des droits de l'homme, de la Charte européenne des droits de l'homme, je le cite parce que ça, manifestement, ça ne l'a pas ému. Et j'ai un peu expliqué le principe du mandat d'arrêt européen sur les 32 cas de crimes très graves où il y avait une confiance mutuelle entre les États. Mais pour le reste, tout le reste, il fallait qu'il y ait une appréciation juridique des faits reprochés et de la procédure judiciaire en cours. Tout ça disparaît au nom de la collaboration entre les États. Et bien, cette collaboration entre les États, elle porte un nom qui n'est pas beau. C'est une collaboration, en l'occurrence, au sens de la Seconde Guerre mondiale. C'est la collaboration avec le fascisme. Voilà. Donc je suis venu pour vous dire ça parce que l'heure est grave. Alors, elle est grave, j'entendais bien dans l'interview précédente, elle est grave dans beaucoup d'endroits. On sait bien que l'heure est grave. Bien sûr, partout. Hein, mais là, c'est en France et ça nous concerne tous là, ici. C'est notre pays quand même, c'est là où on vit. Ce sont nos futures manifestations, les futures lois qu'on va nous imposer ou pas. Donc il faut se défendre. Et pour se défendre, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. C'est pour ça que je vous appelle à venir manifester à Nantes, notamment le 24 septembre, à partir de midi. Venez à midi, dès le pique-nique, ce sera très sympa. Il y aura tout plein de monde. Et puis j'espère que ce sera vigoureux. Et puis aussi, nous serons devant le palais de justice le 11 octobre à 9h pour témoigner. Que tous ceux qui peuvent pour témoigner que ce jugement est important. Ben, merci beaucoup Arnaud, merci au comité de soutenir Vincenzo et donc merci à vous tous de signer la pétition, peut-être pour ceux qui ne pourraient pas aller à Nantes, enfin, ou même ceux qui vont à Nantes peuvent quand même signer la pétition si tu as envie et on retrouve sur le site comité-soutien-vincenzo oui, .org. Bon, merci beaucoup. La lutte continue oui. Sur tous les fronts. Oui. Et ben, on essaye d'être... parce que la prochaine émission, le sort sera déjà scellé à notre prochaine émission. Donc, on ne pourra pas vous le répéter. Non, c'est la responsabilité de la Cour de cassation. C'est aussi sans doute notre responsabilité de manifester qu'on n'est pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. On fait une petite pause musicale merci et on continue. Merci. Amor dei nostri figli, il legacine ti amo.

nos luttes et nos résistances sont toujours liées et ont comme toile de fond les violences d'État. Et peut-être pour vous rappeler un peu la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, s'il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de ça. Mais ce sont des étudiants qui ont été soumis à une disparition forcée le 26 septembre 2014. Et après avoir été arrêtés par la police dans les Guerrero au Mexique, dans le sud du Mexique, mais ils ont été arrêtés quand ils se préparaient voilà, pour participer à une manifestation à Mexico et pour la commémoration du massacre des étudiants de 68. Donc, ces étudiants qui ont été arrêtés par la police, et ils ont été par la suite portés disparus. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Et les circonstances de leur disparition n'ont toujours pas été élucidées. Depuis septembre 2014, les parents des étudiants d'Ayotzinapa n'ont pas cessé de se mobiliser pour trouver leurs enfants et exiger vérité et justice. Très vite, les familles des étudiants disparus ont été confrontées à une enquête menée par le gouvernement mexicain, le gouvernement fédéral, et une enquête pleine d'irrégularités et dont le but, on le sait maintenant clairement, était de cacher la vérité et surtout de dissimuler l'implication de l'armée dans la disparition des étudiants. Et cette enquête du gouvernement a abouti à une version officielle très vite, fin 2014. Et une version officielle qu'on a appelée, selon les mots du procureur de l'époque, Jesús Murillo Karam, la vérité historique. Et selon cette version, les étudiants, après avoir été arrêtés par la police locale, la police d'Iguala, ils ont été délivrés à un cartel local, Guerreros Unidos, et ensuite, ils ont été brûlés dans une décharge. Et voilà. Donc, du coup, on a voulu faire passer cette vérité historique. Il y a eu plusieurs rapports indépendants, et notamment un rapport d'un groupe qu'on appelait à l'époque groupe interdisciplinaire d'experts indépendants, nommé par la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et ce groupe a montré à quel point il y avait des incohérences dans la version officielle. Et aussi, ils ont dénoncé la torture de certains témoins avec les témoignages qu'on fait que cette version officielle a été construite. Et donc, depuis 2014, c'était voilà, la version, ils avaient été brûlés par un cartel local. Et ça a été la version officielle pendant 4 ans. Et en 2018, quand il y a eu un changement de gouvernement au Mexique, quand il y a l'actuel président au Mexique, et il est arrivé au pouvoir, fin 2018, il a ordonné la création d'une commission pour l'accès à la vérité et à la justice. C'était le premier décret du président et les parents d'Ayotzinapa et tous les gens qui se sont mobilisés avec eux. Les gens, ils avaient confiance dans cette commission. Et elle a tardé à publier un premier rapport, ce qui a été fait à la mi-août de cette année. Et on peut dire, si on veut, qu'il y a eu des avancées par rapport à la disparition des étudiants, parce que, en tout cas, ce rapport-là, d'une commission officielle du gouvernement, reconnaît pour la première fois qu'il s'agissait bien d'un crime d'État. Et quand on parle de crime d'État, c'est parce qu'ils reconnaissent vraiment l'implication des policiers de plusieurs niveaux, et notamment l'implication de l'armée. Et le lendemain de la publication de ces rapports, que c'était à la mi-août, et il y a eu plusieurs mandats d'arrêt contre plusieurs fonctionnaires de l'État de Guerrero et aussi contre Jesús Murillo Karam, qui était un peu l'auteur de la vérité historique de la version officielle du gouvernement de l'époque. Et il y a aussi quelques membres de l'armée qui ont été arrêtés. Et donc, ça a été, on peut dire, une avancée, mais on ne fait pas vraiment. Parce que finalement, même si on reconnaît que c'est un crime d'État, quelque chose que les parents avaient toujours dénoncé dès 2014, ils ont toujours dénoncé que c'était vraiment un crime d'État. Mais c'est finalement les arrestations qui ont été faites ces dernières semaines, à part Murillo Karam, concerne vraiment que des agents de l'État au niveau local, dans l'État de Guerrero. Et par exemple, on n'a pas du tout inquiété l'ancien chef de l'armée à l'époque, Salvador Cienfuegos, qui à un moment donné, il a été arrêté aux États-Unis en 2020 parce que voilà, il était soupçonné de participer avec des cartels au Mexique pour blanchissement d'argent, par exemple, ou pour faciliter les mouvements des cartels. Il a été arrêté aux États-Unis. Le Mexique a demandé l'extradition. Et une fois arrivé au Mexique, au lieu d'enquêter sa participation dans la disparition des étudiants d'Ayotzinapa, non pas de manière directe, mais la manière dont il a caché l'implication de l'armée, le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador, le même gouvernement qui a créé la Commission pour l'accès à la vérité et à la justice, a décidé de les laisser en liberté. Et on n'a pas toujours enquêté sur les rôles joués par l'actuel chef de la police à Mexico, qui à l'époque, quand les étudiants ont été portés disparus, était le chef de la police fédérale dans les Guerrero. Il n'était pas le jour de la disparition, il n'avait toujours pas pris ses fonctions, mais on sait qu'il était présent dans une réunion où l'ancien procureur et d'autres personnes ont créé la version historique. Officielle, la vérité historique. Donc, du coup, il est toujours en poste à Mexico. Et il faut dire aussi que le gouvernement de la ville de Mexico, c'est aussi les mêmes partis du gouvernement fédéral du président Andrés Manuel López Obrador. Donc, c'est un peu pour nuancer ces avancées qui ont été relayées au niveau national et au niveau international. Et oui, il y a eu des avancées, heureusement, parce que ça fait 8 ans que les étudiants sont disparus et on ne sait toujours pas où ils se trouvent. On ne sait toujours pas comment ils ont été portés disparus. On sait maintenant aussi qu'il y avait au moins 6 étudiants qui étaient en vie après la disparition, qui étaient en vie au moins pendant 4 jours. Et que leur assassinat a été ordonné par quelqu'un de l'armée dans l'état de Guerrero. Donc, nous, ici, et les parents là-bas, et tous les gens qui se solidarisent avec eux, mais on continue à exiger vérité et justice parce que malgré les arrestations de ces dernières semaines, mais il n'y a pas vraiment de justice. Et d'autant plus qu'en fait, le cas d'Ayotzinapa, on l'a dit souvent, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Et aujourd'hui, le Mexique compte plus de 5 000 personnes disparues. Et la plupart de ces personnes, 80% de ces personnes ont été portées disparues depuis 2006, quand le gouvernement de Felipe Calderón à l'époque a lancé la guerre contre le narcotrafic. Et c'est très intéressant parce que normalement aujourd'hui au Mexique, on dit qu'il n'y a plus de guerre contre le narcotrafic. C'est en tout cas le discours du président actuel. Et dans le même temps, le président actuel, que c'est soi-disant un gouvernement de gauche, il a commencé à militariser les pays comme plus que les anciens présidents, plus que le président qui a lancé la guerre contre les narcotrafics. Et en fait, l'effet de ne pas enquêter la participation de Salvador Cienfuegos, l'ancien secrétaire de la défense au Mexique à l'époque de la disparition des étudiants d'Ayotzinapa, on peut se demander si ce manque d'enquête sur lui, sur son implication, et répond en fait au fait que le gouvernement mexicain actuellement repose essentiellement sur les forces de l'ordre militaire. Et notamment sur l'armée. Ils ont plus de pouvoir que jamais. Il y a eu un nouveau corps, une nouvelle force de l'ordre qui s'est créée pendant ce gouvernement, que c'est la Guardia Nacional, et qui au début était normalement une force civile, et qui maintenant est passée officiellement sous la direction de l'armée. Donc, ce qui avant au Mexique, c'était une espèce d'état d'urgence et que c'était l'effet d'avoir l'armée dans les rues pour assurer la sécurité publique. Et maintenant, est devenu vraiment... C'est installé avec une loi et avec un corps qui répond à l'armée et qui va être formé par l'armée et qui, si jamais il y a... Et on sait comment l'armée et la police de différents niveaux au Mexique a commis des violations des droits de l'homme, on sait qu'ils vont être soumis à une justice spéciale, la justice militaire. Donc voilà. Et comme le 8e anniversaire de la disparition des étudiants d'Ayotzinapa approche, on a préparé comme chaque année un événement, une soirée en solidarité avec les parents d'Ayotzinapa. Cette année, ça se passe le 24 septembre, samedi prochain, à l'île Saint-Denis. Et cette année, on va les faire en collaboration avec d'autres collectifs, notamment les collectifs Stop EDF au Mexique. Et on va parler après de ça. Et l'idée, c'est faire une soirée contre les violences d'État, qu'elles soient frontales et qui s'expriment vraiment par la répression directe sur la population et par les forces de l'ordre, ou qu'elles soient un peu plus insidieuses et qu'elles s'expriment par la mise en place des mégaprojets qui ne respectaient pas les droits des communautés autochtones et locales. Et on l'a vu aussi hein, aujourd'hui avec l'entretien qu'on a passé au début de la mission. On a vu aussi comment ces mégaprojets sont liés aussi à la violence et criminelle, féminicide et aux disparitions. Et d'ailleurs, avant l'affaire d'Ayotzinapa, l'affaire Ayotzinapa au Mexique, il y avait déjà eu beaucoup de... Les disparitions étaient déjà devenues des disparitions massives par rapport à d'autres disparitions qu'il y a eu dans l'histoire du Mexique. Et je parle notamment de la guerre sale des années 70-80. Et à l'époque, les disparitions étaient ciblées. C'était des disparitions forcées, ce qu'on appelle disparitions forcées, c'est-à-dire avec la participation des agents de l'État ou avec son appui, leur appui. Et c'est à partir de la guerre contre le narcotrafic que les disparitions sont devenues massives. Et donc, du coup, les victimes n'étaient pas forcément des opposants politiques. Mais on sait aussi à quel point c'était une stratégie et aussi... où il y a tout un mélange de gens, du crime organisé, des politiciens corrompus, des fonctionnaires de l'État de toutes sortes corrompus. Et on parle d'une stratégie pour les premières disparitions massives dans l'année 2012, avant, 12 ans avant Ayotzinapa, quand les disparitions ont commencé surtout à être commises au nord du Mexique. Il y a des hypothèses selon lesquelles l'intérêt, c'était de semer la terreur dans le nord du Mexique, notamment à cause de toutes les ressources qu'il y avait dans la terre, en fait. C'était semer la terreur pour obliger les gens à se déplacer et comme ça désamorcer les résistances locales. Donc pour nous, les violences d'État, comme les disparitions forcées, et comme le cas Ayotzinapa, où les violences qui s'expriment par des mégaprojets sont forcément liées. Et dans cette soirée du 24 septembre prochain à l'île Saint-Denis, on va essayer de montrer ça avec une discussion. Et on va parler des suites du cas Ayotzinapa. Et aussi, on va parler des résistances des mégaprojets au Mexique. Je vais laisser la parole à une de mes camarades après une pause musicale. Et elle va vous expliquer comment on va essayer de lier ces luttes et ces luttes contre les violences d'État et aussi de faire une discussion où on va s'ancrer dans les locales et inviter des collectifs locaux qui s'opposent aussi contre la destruction des territoires. Et voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on va faire une petite pause musicale pour continuer. Donc, j'en profite pour vous annoncer qu'il va falloir peut-être se dépêcher. On va avoir le temps de parler. On y va, musique. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales facciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán, si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán, no volverán. A matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordad la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor contra el fascismo. Instinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos, que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió. No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera, no pasarán. Organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera, ni un paso atrás. Estilo Faluya, si tienen que llorar las madres que sean las suyas. Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal, y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye, no volverán. Recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Más si que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Pablo Casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Gris, Ana Rosa, órganos de propaganda. Chapucera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micro, no en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Des luttes. On est bientôt sur la fin, mais on voulait donc continuer à vous parler de cette journée du samedi. J'en profite donc pour laisser la parole à Claude, qui est aussi du collectif Stop EDF, dont elle nous avait parlé à l'occasion, il y a déjà, quand il y a eu des campagnes avant l'été, justement, contre tous ces projets, l'implication de EDF, de nos États. Dans tous les projets, la complicité entre les États par rapport aux forces de police, puisque en fait en France on a justement formé la police au Mexique, il y a des échanges entre les États et des projets qui les concernent et qui nous détruisent nous, et donc la lucha sigue un peu partout, et donc là justement il y a la venue de Mario samedi également. C'est ça, donc c'est comme ce que la camarades du collectif Paris Ayotzinapa nous expliquaient, du coup, cette journée de samedi 24, donc ça va être à Lille-Saint-Denis, à partir de 17h. Et donc, en fait, comme chaque année, le collectif Paris Ayotzinapa organise cette journée, donc deux commémorations par rapport aux disparitions d'Ayotzinapa. Et cette année, c'est le fil conducteur, c'est donc le thème des violences d'État, qu'elles s'expriment de façon la plus évidente par les disparitions forcées, les crimes d'État, mais aussi par ces façons plus insidieuses que sont les méga-projets qui détruisent territoire et tissu social. Et donc c'est là qu'intervient du coup la présence de Mario qui vient de cette région dont on avait déjà parlé au début de l'émission, l'isthme de Tehuantepec, qui est dans l'état de Oaxaca au Mexique. Une région qui est notamment touchée du coup par l'imposition de parcs éoliens industriels par des multinationales, notamment européennes, dont EDF fait partie, qui a déjà 3 parcs dans la région et donc qui tente d'en imposer un 4e. Et donc Mario, il vient donc de cette région-là, et il vient d'une assemblée, la même assemblée que Rosa Marina, qui parlait au début de l'émission. C'est donc le nom exact, c'est l'Assemblée des peuples autochtones de l'isthme en défense de la terre et du territoire. Et donc du coup, il vient porter cette parole, Mario, puisque en fait, il entreprend donc au nom de cette assemblée une caravane ou une espèce de tournée en Europe. Donc à la suite du voyage pour la vie des Apatistes l'année dernière, de la caravane pour l'eau et la vie qui a eu lieu un peu plus tôt au Mexique cette année. C'est une nouvelle tournée en fait d'Europe qu'il entreprend au nom de son assemblée pour venir parler donc de tout ce qui se passe dans l'isthme, mais au-delà de tout ça, de tous les méga projets destructeurs qui sont en projet en ce moment au Mexique, et dont un en particulier. Qui est très lié justement à l'expansion de l'éolien industriel dans l'isthme, et c'est ce fameux couloir transocéanique, un projet un peu pharaonique qui en fait prévoit de créer un canal sec entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, avec plein de parcs industriels, des oléoducs, des lignes de fret. Donc voilà, quelque chose d'assez monstre qui impacterait évidemment un certain nombre de communautés locales et autochtones sur toute cette zone. Et pourquoi c'est lié aussi à l'isthme ? Parce que tous ces parcs industriels, ils ont besoin d'électricité. Et donc, l'éolien industriel dans l'isthme pourrait aussi servir à ça. Donc en fait, il vient nous parler de tout ça. Il vient nous parler du fait que des multinationales européennes, encore une fois, sont engagés là-dedans et investissent dans ce genre de méga-projet. Donc il vient dénoncer tout ça et nous en parler. Et à côté de ça, il vient aussi nous annoncer qu'en 2023, il y aura une nouvelle caravane organisée au Mexique, soutenue par le CNI, le Conseil National Indigène, et qui ferait un petit peu le tour de tous les méga-projets destructeurs, mais cette fois dans le sud-est mexicain. Donc il passerait notamment par le Tren Maya, le mal nommé Tren Maya, et donc sûrement un certain nombre de projets liés donc à ce couloir transocéanique qui vient d'énoncer. Donc voilà, ça c'est la venue du coup de Mario, et donc il sera là le 24. Et pour faire le lien et pour boucler un peu la boucle entre ce qui se passe au Mexique, ces violences d'État frontales insidieuses, et il y a aussi toutes ces violences d'État qui s'exercent aussi ici en France, sur nos territoires, dans nos géographies. Et du coup aussi par le biais de méga-projets. Et donc là, en fait, pour faire le lien avec tout ça, on a invité Saccage 2024, ce collectif qui était venu nous parler dans une de nos précédentes émissions, et du coup qui va parler un petit peu de toute la lutte anti-JO 2024 à Paris, puisque ces JO emportent un certain nombre de destructions aussi en Île-de-France et pas que. Donc il nous en avait parlé la dernière fois. Donc voilà, on aura ces 3 collectifs qui viendront faire une table ronde ce samedi 24 septembre. Et après ça, on aura une cantine, donc on pourra un petit peu parler plus informellement autour de super nourriture mexicaine. Et après, des petits concerts, notamment de la cumbia, tout ça. Donc voilà, ça s'annonce bien samedi. Et puis pour dire peut-être un petit mot de plus sur au-delà des événements du 24, du coup Mario, lui, là il va être en France ce week-end, mais avant ça il était en Italie. Et pour ce qui est des autres étapes de son passage en Europe, donc ce samedi c'est donc à Lille-Saint-Denis, et le lendemain il sera également présent à Gonesse, puisque est organisé quelque chose d'un peu plus informel, une rencontre en fait entre collectifs en lutte ici en Île-de-France, notamment sur les questions de défense des territoires, pour faire le lien avec ce que Mario vient apporter comme thématique. Donc ça sera la coordination Île-de-France voilà, de défense des territoires avec du coup bah, le triangle de Gonesse, peut-être Zaclay, les jardins ouvriers d'Aubervilliers, ce genre de collectifs présents ici. Également un certain nombre de collectifs et de personnes intéressées pour rencontrer Mario et ses autres luttes en Île-de-France qui font partie de la coordination zapatiste qui avait organisé le voyage zapatiste, voyage pour la vie, l'année dernière. Donc voilà, et ça sera donc dimanche 25, plutôt à partir de 14h, donc au triangle de Gonesse. Et voilà. Justement, ouais, je pense que c'est bien aussi de se mobiliser par rapport à ce qui se passe tout près de nous, autour de nous, justement, mm-hmm. par rapport à ce Grand Paris, le projet destructeur de nos terres, de l'Île-de-France, qui sont réduites à peau de chagrin. Au mm-hmm. fur et à mesure du temps, il y a tout un tas de projets qui font qu'il n'y a plus de terres qu'on ne peut plus vraiment cultiver en Île-de-France, et donc il y a des, ben voilà, c'est de la bétonisation qui se projette avec des projets de lignes de métro, avec des propositions un peu insensées, et donc il faut se mobiliser aussi. Du coup, il y a justement, il y avait quelque chose qui était organisé autour de justement de Gonesse samedi dernier. Ou vendredi dernier plutôt, pardon, vendredi. Et donc justement, il parlait d'une marche qui aurait lieu le 22 octobre, pardon. Et donc c'est, bah voilà, c'est prochainement aussi. Donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir marcher, se mobiliser ou tenter de les rencontrer aussi. Donc il faut aller jusqu'à Gonesse, mais je pense qu'il y a aussi une façon de pouvoir communiquer en consultant sur Internet. Et justement, samedi, alors dimanche, pardon, il y aura Mario, l'accueil avec Mario. Et ensuite, il y a la réunion liée à Gonesse, proprement Gonesse, qui va pouvoir du coup justement essayer de se mobiliser, puisque ben voilà, c'est un collectif qui regroupe toutes les personnes qui veulent lutter et résister contre ces projets. Donc il y a la possibilité aussi de se mobiliser sur Gonesse, s'il y en a qui... Enfin, Gonesse, Saclay, enfin le Grand Paris. Ouais, le but et de cette rencontre, c'est vraiment de lier nos, enfin voilà, de nous se rencontrer et de lier nos luttes, quoi, de créer des ponts entre le Mexique ici et puis nous-mêmes ici dans notre géographie. Et voilà. Et ensuite, Mario, il va être dans le sud de la France. Il va passer par Sainte-Afrique. Donc ça sera le mardi 27 septembre et le 28 septembre, il sera normalement à Toulouse. Voilà, et après ça, il passera par les Pays Basques Sud, donc voilà, côté plutôt Espagne, avant de rentrer au Mexique. Voilà. Donc on continuera à vous parler de l'isthme de Tehuantepec et de cette résistance et des occasions éventuellement de se mobiliser contre ces projets. Une autre petite date, parce que c'est le 1er octobre, ça arrive vite hein, finalement, on ne va pas avoir le temps de s'en reparler encore avant la prochaine émission. Donc c'est le samedi 1er octobre, journée distribution du Café Zapatiste qui se tient donc tous les ans en général à cette période-là. Donc là, c'est 1er octobre au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, métro rue des Boulets, c'est le plus facile, ou Nation en tous les cas. Et donc, c'est à partir de 14h, il y aura des tables d'artisanat, la distribution du café pour ceux qui l'ont commandé, et ceux qui ne l'ont pas commandé, il y aura la possibilité d'en acheter. On aura ensuite une projection qui est faite par des copains et copines qui sont partis faire des brigades d'observation. Donc il y a un petit peu de film autour de ça qui pourra nous permettre de parler de la situation au Chiapas notamment, et de la répression qu'ils vivent et des attaques de groupes paramilitaires ou pas d'ailleurs, enfin tout un tas de violences qui sont exercées. Et donc on pourra parler également surtout aussi de ce fameux voyage pour la vie. dont on a parlé et qui a eu lieu l'année dernière, justement, puisqu'il y a un an, on était prêts à recevoir les équipes de zapatistes qui sont venues déferler sur toute l'Europe. Et donc, il y a un film qui s'appelle Pour la vie, qui sera projeté à partir de 20h, donc au CICP 21 Terre Rue Voltaire. Et c'est entrée gratuite et on sera en présence des auteurs-réalisateurs, donc on pourra partager avec eux, puisqu'il s'agit de documenter justement une partie de ces étapes que les zapatistes ont fait au cours de ce voyage pour la vie en Europe l'année dernière, il y a un an. Donc, merci d'être là le 1er octobre, à partir de 14h si vous le voulez, et sinon surtout aussi à 20h pour cette projection de film quasiment inédite encore. Hein. Il y a très peu de gens qui ont eu l'occasion de voir ce film. Merci beaucoup, La Lucha Sigue, merci à FPP encore, et on se retrouve le troisième lundi du mois prochain. Chaito. Bye.